vous dit d'aller boire un verre? Non, on écoute, vous êtes libre ce soir. Bonsoir, bienvenue sur Vous êtes libre ce soir sur Radio Béton 93.6. Et ce soir, nous sommes fin prêts parce qu'on a mangé notre bonne ration de gâteau. Voilà. Et le sujet du jour, c'est un livre sous licence libre qui s'appelle La bataille d'Opi, au sujet de la loi création et internet qui est passée cette année. Peux-tu nous en dire plus? Alors déjà, merci Manuel pour ces bons gâteaux hein, qui font qu'on a tous envie de venir écouter, participer à Vous êtes libre ce soir. C'est un livre qui a été fait par un collectif d'auteurs, de gens de différents milieux, et qui essaye d'expliquer les enjeux qu'il y a dans Adopi, la vision du monde que ça entraîne, et éventuellement, sûrement, des voies pour éviter ce genre de loi liberticide. Bah, Emmanuel, je vais te laisser peut-être présenter un peu les gens qui ont participé à ce bouquin. Ah oui, parmi ces gens-là, il y a à la fois des politiques qui se sont opposés à l'Assemblée nationale à ce texte, comme Daniel Cohn-Bendit, Alain Lipietz ou Nicolas Dupont-Aignan, c'est vraiment varié. Et puis aussi des gens du milieu du logiciel libre, de la culture libre. On peut citer Benoît Cibault, président de l'April, ou le non moins connu Benjamin Bayard, ou même Mathieu Pasquini, qui est en fait l'éditeur du livre La bataille d'Opi. Et ensuite, concernant cette loi... En fait, elle a accouché dans la douleur, puisque... Une grande souffrance, même, voilà. Je dirais. Voilà, et pas mal de débattre est très très velu. Elle a d'abord été votée le 29 avril, et comme il y avait 35 députés dans l'hémicycle, la majorité n'était pas pour Adopi, et après, il a fallu... faire le branle-bas de combat pour ramener toute la majorité pour avaliser ce texte. Et puis, ça a passé au Conseil constitutionnel. Voilà, alors, pour reprendre. Déjà, loi Adopi, c'est un nom qu'on lui a donné comme ça, parce qu'il y a la fameuse commission Adopi qui a été mise en place. Mais le vrai nom de cette loi, c'est la loi création et internet. Donc, comme l'a dit Emmanuel, elle a été votée une première fois à l'Assemblée nationale, donc ça devait être le 9 avril, et elle a été rejetée. On en a pas mal parlé parce que c'était le coup où il y avait très très peu de députés qui étaient là, et les députés PS s'étaient cachés derrière les rideaux ou là où ils pouvaient. Et au final, ils sont sortis au moment du vote, et résultat, ils ont réussi à être 21 contre cette loi et 19 députés, sûrement UMP, pour... Et après, donc, la loi a été revotée, et très rapidement, en fait, le 12 mai, donc quasiment un mois derrière, le gouvernement a pas traîné, visiblement, il y en a qui étaient pressés de voir cette loi fonctionner. Et là, il y a eu beaucoup plus de votants, il y en a eu 557, et il y a eu 296 députés pour et 233 contre. Alors à partir de ce moment-là, c'était pas encore fini, c'est-à-dire qu'il y avait un gros obstacle, c'était le Conseil constitutionnel qui a été saisi en particulier par le PS et la gauche, et le Conseil constitutionnel a relevé 11 griefs d'inconstitutionnalité. Ça veut dire que cette loi était pas compatible avec la Constitution. Alors, et entre autres... c'était même pas un obscur texte de la Constitution. En fait, le Conseil constitutionnel a déterminé que la loi création Internet violait carrément la liberté d'expression, qui est définie carrément dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 11. Le fait de couper l'accès à Internet assez arbitrairement et sans décision judiciaire était une violation de la liberté d'expression. Puisque comme la communication est une liberté fondamentale, on ne peut pas en priver un citoyen sans passer par un juge. Voilà, parce que je rappelle le concept de Adopi. C'est un truc assez génial, en fait, parce que déjà, le premier point, c'est que ça permet à des entreprises privées ou à des organismes privés de relever des adresses IP. Alors, on ne demandera pas comment. Ça pose des gros problèmes au niveau de la vie privée des gens. De la vie privée, voilà, j'avais le mot. Donc ces entreprises privées relèvent les adresses IP, elles les envoient à Adopi, donc. Adopi qui sans vérifier forcément que ces adresses IP sont confirmées comme ayant piraté, envoient des mails aux pirates potentiels pour leur dire que c'est pas bien qu'ils ont piraté. Et que s'ils recommencent, ils n'auront plus de ligne. Et la et décision si finale, s'il y a récidive, alors eh ben, on se permet de leur couper la ligne Internet pour un délai, je crois, un an, quelque chose comme c'était ça. C'était un an. Voilà. Au départ. C'était un an au départ. Alors, donc le Conseil constitutionnel a beaucoup censuré la loi, ce qui n'empêche qu'il y avait certains articles qui étaient autorisés, et notre brave président s'est empressé de les promulguer le 12 juin 2009. Donc là, il y avait la loi qui était à moitié votée, c'est-à-dire que Adopi pouvait être créée, mais elle n'avait pas encore le droit de couper Internet. Elle pouvait envoyer des mails, mais elle ne pouvait pas couper Internet. Heureusement pour nous, braves internautes, il y a un projet complémentaire qui a rapidement fait son apparition, qui visait à renforcer le truc et à contrer les points qui avaient été censurés par le Conseil constitutionnel. Donc la différence, c'est que ce texte propose de passer par une sorte de justice simplifiée. Voilà, il y a des procédures simplifiées, il y aura quelques juges qui seront normalement payés et qui travailleront sur ça. Enfin, ça va être un peu comme un système d'amende. On va pas demander aux pirates potentiels de venir expliquer en quoi il est en faute, mais ce sera validé par une justice plus ou moins fantoche, j'ai envie de dire. Ouais. Et d'autant plus que contrairement à ce qui se fait habituellement, où là, l'accusation est obligée de prouver la culpabilité de l'accusé, eh bien, c'est plutôt à la personne qui est accusée de prouver que justement elle n'a pas piraté. Alors, pour prouver sa non-culpabilité, les législateurs ont inventé une sacrée chimère informatique. Il s'agirait de programmes qui n'existe pas encore, mais qui surveille vos communications. Il regarde toutes vos pages web, ce qui transite sur le peer-to-peer, les messages, pour s'assurer que vous ne violez pas les droits d'auteur de Johnny et des autres. Et donc, ces mouchards-là, il n'était pas question qu'ils soient gratuits. Et surtout, vous avez la pression de les installer ou pas, puisque si vous les installez pas, vous n'avez que très peu de moyens de vous défendre. Vous pouvez être accusé de non-sécurisation de votre système Internet. Alors, on est bien bavard sur ce sujet, parce que ça nous énerve un petit peu. On va quand même faire une pause musicale. Oui. En plus, on a un chant de guerre anti-Adopi, voilà. Je crois. Donc, c'était plutôt à l'époque de la loi DADVSI. Qui était un petit peu le précurseur de cette loi. Mais c'était pareil en moins pire. C'était pareil en moins pire. En tout cas, c'était le chanteur Sam qui a fait une chanson téléchargée. C'est illégal sous licence Creative Commons by NCS. Téléchargée, c'est illégal. Le pire tout pire, c'est l'axe du mal. Il y a l'amateur et le professionnel, un simple consommateur et un auteur. On pourrait refaire le monde à la lumière d'un monde plus libre. On pourrait ensemble récolter le fruit de notre travail commercialisé. On pourrait mutuellement s'aider sans avoir universal comme allié. Se faire de la thune sans être abject envers ceux qui nous ont. Écoutez, je pourrais choisir mon mode de diffusion et sans prendre les gens pour des cons. On pourrait vivre avec son temps sans regretter celui d'avant quand le numérique naissait et qu'on pouvait pas copier les CD, quand les majors choisissaient un artiste par tranche d'âge pour mieux se rincer. Télécharger, c'est illégal. Le pire tout pire, c'est l'axe du mal. Il y a l'amateur et le professionnel. Eh les gars, à cause de votre loi, j'irai bien me taper sur la gueule avec tous les éditeurs de vos systèmes de DRM. Ceux qui pensent que la répression, c'est la solution, que l'éducation passe par la vulgarisation, parce qu'on ne s'adresse qu'à qu'il y a des cons, qu'il y a le bien et le mal, et que le mal c'est nous, parce que justement c'est un complot du mal qui nous font croire qu'ils nous veulent du bien, alors que c'est le mal et que le mal c'est bien connu, c'est pas bien. Et tous ceux qui nous ont oubliés dans leur doctrine, la musique, toute la musique, avec tous ceux qui œuvrent à mettre nos crânes sous vide à rêver devant des compiles de disques. Eh les gars, on pourrait en faire une loi qui défendrait nos intérêts. On pourrait être tous potes, tous égaux dans un monde plus beau, mais sûrement les gars, que jusqu'ici j'ai chanté pour mes amis et pas ceux qui font semblant d'ignorer notre existence. C'est dommage parce qu'il y a urgence à la télé. Eh bien, après ce bon morceau de Sam, repassons à la loi création Internet. Un des points les plus polémiques, c'est que par rapport au téléchargement illégal, le responsable des actes délictueux, eh bien, c'était ni plus ni moins que le titulaire de la ligne ADSL. Alors, il suffit que votre enfant télécharge à votre insu. Le salaud. Le salaud, vraiment. Et là, toute la famille est condamnée. Soyez dur, hein. Et sera privée d'Internet, donc le gamin, c'est clair, il faut le priver de dessert. Ouais, voilà, ouais. Bon plan. Alors, peut-être juste le livre, comment on le trouve, sous quelle licence? Eh bien, on le trouve sur le site de la maison d'édition inlibroveritas.net. Qui édite exclusivement des livres libres. Et donc, justement, c'est un livre libre parce qu'il utilise les licences Art Libre et puis Creative Commons by SA. Même si on peut l'avoir gratuitement en téléchargeant le PDF, je ne sais pas si c'est vraiment pratique. En tout cas, on peut commander le livre sur le site de la maison d'édition. La version basique est à 9 euros. C'est assez honnête pour un bouquin de 355 pages. Et donc, après, les profits sont reversés à l'association La Quadrature du Net. Association de défense des internautes, voilà. Et qui justement, s'est illustrée cette année à s'opposer à la loi Adopi et à dénoncer ses aspects liberticides. Alors, on arrive à la conclusion. Moi, je vais juste rajouter quelques derniers petits points, bref, sur Adopi pour vous rappeler combien ça coûte. Alors, on estime la création de l'autorité Adopi à 6,7 millions d'euros. Donc, ce sont que des frais de fonctionnement. Ouais, versés par... on ne compte pas le salaire des fonctionnaires. Le recontribuable. Donc, merci d'y contribuer. Enfin, un truc appréciable. Aussi, selon les opérateurs... Les estimations varient entre 60 et 100 millions. Voilà. De leur côté. Ouais. Alors, c'est aussi, enfin, le gros danger qu'on voit pointer, c'est que, enfin, le contact important entre les médias, les labels, les diffuseurs de contenu traditionnel, les grosses entreprises, et nos amis politiciens, puisque, enfin, visiblement, la loi, elle a été faite de concert. On peut aussi déplorer la façon dont est calculée les pertes qu'on impute au piratage, puisque en général, quand on fait les calculs, on considère qu'un CD qui est piraté, c'est une vente de perdu. Est-ce que c'est réellement toujours ça? Est-ce qu'il n'y a pas un côté, si j'ai l'occasion de découvrir le CD sur Internet, et ben un jour j'irai à un concert ou un jour j'achèterai un autre album? Enfin, on peut se poser cette question-là. C'est un moyen d'aimer la musique et d'en profiter aussi. Et puis, on arrive plus tard à donner des sous. Et puis, pareil, qu'il y a des études. Alors, il y a eu des études de fait. Des études, il y en a eu en Angleterre et puis aussi en Hollande. Alors, nous, celle qu'on a repérée de notre côté, c'est une étude anglaise faite par un gros institut de sondage. Je retrouve son nom. Ipsos Mori. Et donc, qui questionnait les personnes de 16 à 50 ans. Et en fait, ils se sont rendus compte d'un truc tout bête qu'on n'aurait pas forcément soupçonné. C'est que les plus grands téléchargeurs, les plus grands pirates, si on utilise ce mot, sont aussi les plus grands consommateurs. C'est-à-dire que voilà, on a beau télécharger beaucoup, beaucoup sur Internet, et ben c'est aussi les gens qui téléchargent beaucoup qui vont acheter les CD à un moment, qui vont au concert, qui vont voir des films au cinéma. Donc voilà. Et puis si on peut faire un bilan un peu à l'avance, pour faire un peu de futurologie, on peut déjà prévoir que cette loi va être complètement inefficace. Parce qu'il y a plein de moyens de contournement par rapport à la détection des téléchargements illégaux. Ouais. Les moyens de contournement se comptent en dizaines. Il y a des moyens de changer son adresse, de prendre par exemple... Il y a eu des expériences où certains pratiquaient des téléchargements en prenant l'adresse d'un photocopieur. Et voilà, c'est le photocopieur qui est coupable. Ou même, ce qui peut arriver et qui peut condamner aussi des innocents, c'est le piratage de vos box où il y a une antenne Wi-Fi. Et en utilisant des techniques de piratage assez accessibles, on peut arriver à faire sauter une sécurité en à peu près une demi-heure. Voilà, Et ouais. donc, je sais pas si on va vraiment condamner des vrais délinquants. Enfin, on condamnera ceux qui sont pas capables de servir, qui sont pas très calés en informatique, quoi. Voilà, donc un système très répressif. Je rappelle que l'objectif de base, c'est d'encourager la création artistique, hein. Donc, Ouais, je pense qu'on peut peut-être dire qu'ils ont fait quelque chose, objectif réussi, mais on l'a, hein. personne Voilà, l'a vu. ça va tout changer. Bon, et puis nous, bah, on a fini notre émission. On va vous dire à la semaine À la semaine prochaine. Je sais pas prochaine. encore de quoi on parlera, mais à la semaine prochaine. Voilà, ce sera intéressant. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.